Louis Raoul, les prénoms de la mémoire. Livre audio gratuit lu par Sabine pour audiocité.net, avec l'aimable autorisation de l'auteur. Tu poses un premier mot, tu inaugures, le discours du vent, les arbres qui se penchent pour voir. Ce sera un abri sûr dans l'hiver de la page, comme une avance sur le temps où les lampes viennent tard lire par-dessus l'épaule, où le poids des neiges à venir reste encore à négocier. Madeleine. Une trace dans l'écoute, celle de vos pas qui vous conduisaient au jardin. Tu aurais dû compter les syllabes plus sonores que les tiennes, parce qu'appartenant à une femme en âge de se pencher vers l'enfance. Difficile maintenant d'interroger ces chemins. Tu fais confiance aux paroles de ceux qui l'ont assemblée dans ta mémoire. Tu fais semblant de croire à sa légende, mais il manquera toujours une ombre au soir. Tu penses à ce jardin, et c'est ce souvenir aux mailles serrées que tu places devant ta mémoire, afin de ne retenir du vent que la voix de celle qui parlait bas pour rassurer l'enfance, quand les lampes taisaient le nom des choses. Puis les draps à marée haute pour noyer la peur, et le passage du nom dans le souffle. Il y a au fond de la mémoire un visage qui attend sa chair et qui sourit en même temps que toi quand vient le moment de la rencontre. Lorsqu'il parlait de celui de ta mère, ils achevaient toujours le portrait par quelques retouches à la couleur des yeux du bout d'un regret. Visage, résigné d'être à jamais le reflet de celle qui se penchait pour boire à ton sommeil, et que trouble à peine le vol lent des paupières quand elle passe d'un bord à l'autre de la fatigue. Simplement, tu aurais voulu qu'elle capture l'orage entre ses paumes pour ne plus avoir peur. Elle n'a pas répondu, elle était occupée à recoudre les déchirures du ciel. Tu as douté un moment du pouvoir de ta mère. Mais ce jour-là, c'est bien elle qui a libéré les arbres et leurs oiseaux des cages de la pluie. Lorsque tu entrais dans le jour, tu retrouvais la trace d'un corps d'hier, t'intégrant parfaitement à toi-même, et le vent prenait l'empreinte de ton visage. Maintenant qu'il ne reste que l'absence, quand je sors et me tourne face au vent, j'essaye des masques sans miroir. Je te connaissais déjà de l'intérieur. Elle venait s'asseoir au bord du lit, voir le corps et son sillage, sur les draps, quand tu remontais le sommeil, sur un nom fragile. Cela après que l'enfant s'est commandé à la nuit, courant dans le soir, en bousculant ce qu'il restait de jour. Encore un matin, un pont de gestes pour passer le jour que tu ne verras pas. L'été est comme un long cri, la frayeur des feuilles dans l'attente d'être nommée par un vent qui parlait autrefois dans tes cheveux. Le sable des saisons, les traces de ta soif, une gorge sèche craquante sous la pelle. C'est encore de toi qu'il s'agit, même s'il n'y a plus le silence et la nuit d'un corps à partager, et qu'il faut plus d'un sommeil pour t'atteindre. Quand elle disait qu'il était tard et que la parole s'éteignait, tu entrais dans la forêt, et tout un peuple de feuillage te saluait sous le vent. Passant par l'agneau et le loup, tu retournais à la fable pour tenter d'expliquer ce piège tendu par la soif. Il fallait réhabiliter celui qui t'épargnait chaque fois que tu te penchais pour boire dans le sommeil. Michel, André, Élise. L'amitié était un atelier où se façonnaient ses mains, s'ajustant si bien l'une dans l'autre, en un salut où il n'était prouvé que la force qui nous liait, jusqu'à la blessure, jusqu'à ces copeaux de chair que l'aube ramassait. Ce soir-là, tu as décroché l'absence, composé le numéro d'une voix à venir. Chaque sonnerie te ramenait à cette pensée d'un corps traversant la pièce en perdant une à une les lettres de la solitude. Tu allais être, au moment où la main décrocherait l'arme, cette voix en plein cœur qui allait dire « Je viens, je serai une ombre de plus pour ta lampe. » Mais il y eut ses paupières baissées en signe d'acquiescement à la dernière question d'une vie. De l'amitié, il ne reste que les traces d'un temps où tout était possible. Un théâtre dans le jour, un coup de ciseau dans le vent, pour voir s'installer les premières filles de la pluie. Je n'ai pas eu le temps de venir te voir, de t'embrasser. Je croyais ce dernier mouvement de paupières plus tardif. Je n'ai pas chargé l'impatience de doigts sûrs d'atteindre ton visage. Tu es parti, et je n'ai rien pu te dire. J'ai un adieu de trop dans la parole. Un demain, sans la résonance des pas qui auraient dû nommer la rencontre. Tu ouvres à l'amitié, prépare les lèvres, pour l'aube d'une joue. Celui qui viendra étreiner les bonjours aura une main sur ton épaule, comme faisant un vœu au premier baiser du jour. Tu viendras bien un soir tard dans l'amitié. Tu porteras une fleur jaune en guise de lampe, et nous nous tiendrons dans son odeur qui est son ombre. Là, nous serons au mieux de nos mots pour parler de nos mères qui chantent en peignant la mémoire d'un autre été, quand leur voix avait la prudence du soleil entre les feuilles. Jean, Geneviève, Louis. Volets ouverts, les premières fouilles dans le vent pour exhumer l'odeur des feuilles qui furent nos automnes et le gant ôté de la mémoire pour saluer le paysage. L'âge nous rend attentifs, et cette politesse est une réponse aux arbres qui, soulevant leurs oiseaux, saluaient notre enfance. Genoux, vos pâles saisons dans les villes où des nuits de toile longue vous couvraient en temps d'hiver. Genoux, vos autres saisons, aux jeux aussi longs que les jours, jusqu'à ce que fatigue et silence vous portent à nos yeux pour prendre mesure de nos douleurs aux écorchures du soir. Nous ne savions pas encore, en marchant dans le sang bruissant de septembre, ce qu'allait être pour nous cette cruauté du don. Le poème était jeune, et nous le tenions par le vague. D'enfance, nous étions encore les hôtes, et ce que nous vivions était sans partage avec les mots. Nous allions très loin dans la fatigue, et le sommeil nous rejoignait, dans l'obscur, où les lampes dociles dans les mains qui les portaient nommaient très bas ces chambres. Quand l'enfance criait, ils entr'ouvraient la nuit avec leurs lampes, parlaient de cette ombre disjointe par où s'échappait le sommeil. Ils parlaient aussi de la mort, comme d'un outil nécessaire pour colmater cette absence qui laissait entrer la pluie, comme un nom mille fois répété. Feuillage ployant doucement, nous assistions à la pesée des jockeys du vent. Nous n'avions pas besoin de parier sur notre ordre d'arrivée dans l'âge. Nos projets avaient toujours de faux départs. Enfance de toutes les victoires, nous posions en silence devant un ciel gris, la brève éclaircie nous fixant à jamais avec les oiseaux de l'instant. Quand nos jeux étaient finis, c'est le vent qui pliait les peupliers pour les ranger dans la nuit. Nous partions grandir d'un sommeil de plus, laissant les gestes, les rires et les pierres au fond de la rivière, avec l'amitié de nos mains. L'été. Le soir était une autre saison pour nous, un automne pour nos jeux, et les arbres perdaient nos mains. Nous avancions très loin dans la nuit, nous n'avions pas peur. Nous savions qu'il y aurait ces appels, comme des lampes dans l'écoute, pour guider le retour. Devant la source qui grimace et nous tire une belle langue d'eau, le corps se courbe sur son reflet, ouvrant une parenthèse dans l'âge, comme pour nous rappeler ces années où nos pas nourrissaient les chemins sans compter. Nous pensions que le soir les ramassait derrière nous et les rangeait, en même temps que le silence, dans nos coffres à sommeil. J'ai vos dents. Ils ont longtemps réservé cette brume pour un matin de chasse particulier. Ils sont sortis de la légende pour la poursuivre par-delà l'enfance, jusqu'en dans nos sommeils d'hommes incrédules. Et c'est dans un sursaut, quand le corps se retourne avec le temps, qu'on ouvre les yeux et la mémoire sur la nuit où un croc de lune trahit la présence de la bête. De ceux que nous aimions, il nous reste leur ombre pour nous parler de leurs étés. Au soir qui les rassemble toutes pour un grand commerce avec la mémoire, nous n'avons que leur nom pour aval. Et si peu de la monnaie d'une vie quand la nuit ouvre ses marchés. Ce peu d'aube dans ta pomme pour un regard qui porte encore le fin duvet du sommeil. Plus tard, dans le jour, tu t'inquiéteras des visages et des choses qui seront autant d'arbres pour ces questions. Qu'en sera-t-il alors, une fois de plus, de sa préférence pour ce feuillage qui s'immobilise quand tu t'endors. Tu conjugues la forêt au temps de tes pas, et depuis que tu marches, l'âge a ouvert de nouveaux sentiers sur ton visage. Tu viens du milieu du jour, là où l'horizon marque le pli. tu cherches le cerf tranquille, les grands bois où suspendre l'ombre, pour qu'il soit midi à l'instant du désir. Le souffle dans le souffle, tu reprends le chemin d'hier, avec ce signe, cette invitation à aller plus loin, vers ce qui se redit dans l'espace, et que pourtant les yeux n'épuisent pas. Une aube. Suffisamment affranchi en oiseau, glissé sous les paupières et sur le plus beau papier du jour, des nouvelles de nous, la confirmation d'être là, encore, parmi les lettres du nom. Des premières lèvres offertes à celles qui aujourd'hui prononcent ton nom, une simple porte ouverte dans l'âge, et la feuille de vivre, un courant d'air plus loin, avec la pluie sur le visage, comme acné sollicitant la mémoire pour d'anciennes expériences. L'appel, la voix promise, reconnue, tu t'es levé pour aller à la rencontre de celui que tu attendais à force de légende. Il est venu tard dans le poème, et son cheval était déjà vieux de tant d'orages. Tu étais impatiente, et lui t'a demandé d'approcher la lampe pour y laver son visage. Rien que cela, tandis que le corps, le sexe, étaient encore dans l'ombre. Dans l'atelier étaient les planches, comme de grandes tartines où s'étalait le jour, puis l'homme en ciel d'été passant le rabot, et les premières vagues de bois. Tu penses à cela, sous la haute lampe de midi, où l'ombre rejoint le corps, comme l'enfance la mémoire, quand elles jouent ensemble dans les copeaux de la mer. Cette maison sans porte ni fenêtre n'a pas peur des voleurs. Un homme y dort. Il n'a pas de monnaie à rendre au passé, et ses songes sont des provisions pour longtemps. Il est venu avec le bois des mots sur la page. Il est de ce poème avec l'hiver tout autour. Ils tirent à eux la nuit, ceux d'autres lieux, d'autres langages. Ici, il reste à réactiver la parole, à enfiler les gestes d'hier, comme des vêtements devenus trop petits. Nous avons mal dormi. Dans une chambre voisine de la nôtre, une enfance turbulente y a remué des songes. Nous allons sortir, pour ramener ce qui reste de lumière et attendre du vent les masques anciens de nos rires. On a changé les draps de l'aube, l'enfant s'y a saigné, et ce qui s'approche fait s'agiter un autre feuillage en elle. Elle va à sa rencontre, tenant une lampe étonnée, dans ce qui sera la chambre de nouveaux songes. Été. Des gestes saluant la soif, de la source brève au fond de la gorge, des songes de blés anciens, des pins de nuages, et des premières gouttes pour humecter le silence, juste avant que l'on ne tire les tables de l'orage. Nuit de neige, où le vent fut complice de la colère, il attendit la pierre et la vitre brisée pour entrer avec l'invective et les petites étoiles du froid. De moins en moins rappelé, quand la joue repose nue sur la paume, ses lèvres qui s'ouvraient sous l'averse, et la lampe a vieilli, qui éclairait la demeure d'un visage où battaient les paupières au vent de vivre. Reste un grand arbre qui me lie au sommeil de ses feuilles, dans leur saison d'ombre, pour que j'y voie un plus grand délabrement des songes. Canne d'eau au milieu du bassin, plus vieux d'une rêverie, le regard se voûte et prend appui. Jardin du Luxembourg, avril 1993.